Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Fais-le pour qu'on s'aime, c'est un conseil en ce qui me concerne. J'suis bien seul, ma musique et mes concerts. Faudra qu'on serre la main pour être amis ou plus. Non, faudra qu'entre mes bras on serre et que ça soit sain et sincère. Ce qu'on a peur de parler dans la vie, c'est la mort, seulement c'est la merde. Cette vie solennelle, c'est ça, littéralement. Si seulement ses enfants étaient un minimum conscient. Bienvenue dans mon Game Boy. C'est pas le mien, c'est pas le tien. Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Dis-leur qu'ils sont bienvenus dans mon Game Boy. Vous êtes la bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy. Bienvenue dans mon Game Boy.